Bismillah wa alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du fa... Ceci est la traduction d'un conseil qui nous a été prodigué par notre cheikh Abu Abdul A'la Khalid Othman al-Misri hafidahullahu ta'ala, ayant pour sujet le mérite des aumônes et l'importance de al-kaffarat, des expiations. Notre cheikh hafidahullah de nous dire que certes les aumônes ont une place importante en islam et il est venu nombre de textes dans le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam mettant en évidence les mérites de ces dernières. Parmi ces textes, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans sourate al-Baqarah, la sourate de la vache, où il dit, dans le sens approximatif de ces paroles, ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis, à 100 grains d'épis. Car Allah multiplie la récompense à qui il veut, et la grâce d'Allah est immense, et il est omniscient. Le shir de nous dire, Havidahullah, comme cela, Allah subhanahu wa ta'ala a mis en évidence dans son livre que les aumônes, as-sadaqat, font partie des causes par lesquelles le serviteur recherche l'agrément de son Seigneur. Comme dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens approximatif de ces paroles, et ceux qui dépensent leurs biens cherchant l'agrément d'Allah et bien rassurés de sa récompense, ils ressemblent à un jardin sur une colline. Qu'une averse l'atteigne, il double ses fruits. À défaut d'une averse qui l'atteint, c'est la rosée. Et Allah voit parfaitement ce que vous faites. Puis le shir de nous rappeler cette tradition prophétique, ce hadith rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, comme dans As-Sahihain, les deux recueils authentiques du hadith, le recueil authentique de l'imam al-Bukhari, le recueil authentique de l'imam muslim, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens approximatif de ses paroles, « Celui qui fait l'aumône de la valeur d'une date provenant d'une acquisition bonne, honnête, car Allah n'accepte que ce qui est bon et le licite, Allah l'acceptera de sa main droite et la fera fructifier et grandir, autant que l'un d'entre vous élève avec soin son poulain jusqu'à rendre cette aumône aussi grande que la montagne de Uhud. » Et dans certaines versions, certaines narrations de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens approximatif de ses paroles, que cette aumône tombera dans la paume du tout miséricordieux. Le shir de nous dire, de commenter ce hadith en nous disant qu'il y a dans cela la mise en évidence du mérite des aumônes, quelle qu'elle soit, aussi petite, aussi moindre soit-elle, même si elles sont de la valeur d'une date. Allah, tabaraka wa ta'ala, les accepte. Plutôt même, il les reçoit de sa main droite. Le tout miséricordieux les reçoit dans sa paume. Et il les fait fructifier et grandir. Pour celui qui les aura donnés. Comme Allah dit dans son livre, dans le sens approximatif de ses paroles, Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et comme cela, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, certes, l'aumône faite en secret, éteint la colère du Seigneur. Et le shir de nous dire et de nous enjoindre à dépenser dans le sentier d'Allah, tabaraka wa ta'ala, à faire des aumônes, aussi petites soient-elles, comme il est venu dans ce hadith, dans le sens approximatif des paroles de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un jour qui se lève sur le serviteur d'Allah sans que deux anges ne descendent. Le premier invoquant ainsi: « Ô Allah, accorde une compensation à tout donateur. » Quant au second, il dit: « Ô Allah, inflige une perte à l'avare. » Puis le cheikh, habibahullah ta'ala, de nous dire que comme cela, il y a un droit qu'il est obligatoire pour les musulmans de connaître et de lui porter un intérêt. Ce droit, c'est le droit des expiations, al-kaffarat. Ces expiations qui ont pour cause al-dhihar, ces expiations qui ont pour cause le fait de ne pas respecter un serment, ces expiations qui ont pour cause le meurtre involontaire et autre que cela parmi les sortes d'expiations. Le shir nous dit que ces expiations sont en relation, ont un lien avec le droit d'Allah Azza wa Jal et le droit de ses serviteurs. Et la connaissance des limites de ces expiations et la manière de s'en acquitter est une chose importante. C'est pour cela que notre frère Abdus Samad a rédigé et a résumé les règles ayant attrait à ces expiations dans un tableau afin de faciliter aux musulmans la manière de s'en acquitter. Et comme cela, il l'a traduit en français afin que nos frères qui ne parlent ni ne comprennent la langue arabe en France puissent en profiter. Et ceci est une chose qui est bonne. Et nous demandons à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il le récompense en bien. Et nous conseillons nos frères de profiter de ce dernier. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين